Un beau matin de printemps, quand bourgeonne la saison, tu as bousculé ma vie doucement, mis des fleurs dans mes chansons. Moi, chien galeux, mais chien galant, j'étais amoureux allié. Alors je t'ai suivi partout tout le temps et je t'ai dit dans l'escalier, j'irai bien faire un tour sous ton jupon. Il est vrai que je suis un peu polisson, j'aimerais dégrafer tout ton décolleté. Il est vrai que je suis un peu culotté. Puis est arrivé l'été, celui qui donne bien des sueurs. C'est là que tu m'as tout dévoilé par une bouffée de chaleur. Je t'aimais d'amour et d'eau fraîche, c'est meilleur dans le pastis. Et comme tu ne voulais pas vendre la mèche, je t'ai dit avant que ça glisse, j'irai bien faire un tour sous ton jupon. Il est vrai que je suis un peu polisson, j'aimerais dégrafer tout ton décolleté. Il est vrai que je suis un peu culotté. En automne comme il se doit, tombe à flot les feuilles mortes, se dénudent les arbres des bois, le beau temps perd de sa force. Notre amour s'est enrhumé, engourdi au gré du froid. Ta passion commence à s'atténuer, on s'ignore mais quelquefois. J'irai bien faire un tour sous ton jupon. Il est vrai que je suis un peu polisson, j'aimerais dégrafer tout ton décolleté. Il est vrai que je suis un peu culotté. Et voilà le vent d'hiver, il faudra bien se couvrir. J'ai entendu parler d'adultère par un très joli sourire. Il paraît que pour toi aussi Cupidon est un farceur. En l'absence du chat danse les souris et sur les toits courent les rumeurs. Car j'irai bien voir ailleurs que sous ton jupon. Il est vrai que je suis un peu polisson, j'aimerais dégrafer d'autres décolletés. Il est vrai que je suis un peu culotté, un tout petit peu culotté, un tout petit peu culotté.